mais je fus le premier Africain à mettre le drums européen dans la musique africaine moderne. J'étais le premier, tout le monde le sait. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié toi mon amour, pitié toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Si tôt le matin je me réveille devant ta photo, je sens sans déjeuner, je ne me bats pour travailler. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'importe les temps, tant que je t'aime. Le soir, je vais revenir, je ne verrai ton avenir. Je travaille.